بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On est arrivé au hadith numéro 3, Inch'Allah ta'ala. Et donc, on est toujours dans l'objectif de finir les 18 hadiths, bi'idhnillahi ta'ala, aujourd'hui. Donc, on a pas mal de hadiths à voir aujourd'hui. Et donc, le hadith numéro 3, wa haddathani an Malik, an ibn Shihab. عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه Et il m'a rapporté, selon Malik, selon Ibn Shihab, selon Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, que le prophète, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie, donc, min husni islam il mar, de la bonne pratique islamique de l'individu, donc fait partie de la bonne pratique islamique de l'individu, le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. وهذا الحديث كما ترون مرسل Ce hadith, comme vous le voyez, il est مرسل. مرسل, c'est-à-dire que il y a un rapporteur avant les compagnons qui rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi les tabi'in, donc le tabi'in qui dit قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or il ne l'a pas rencontré, car ici c'est Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc c'est le fils de Ali qui est le fils de Hussein qui est le fils de Ali ibn Abi Talib. Et Ali, le premier, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père, Hussein, oui. Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, lui, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin al-hadith sahha bi asanid ukhra kama jaa fi sahih ibn Hibban bab ma jaa fi sifati al-mu'minin عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني. Cependant, le hadith a été rapporté avec des chaînes de transmission authentiques. Donc, comme cela a été cité dans le recueil, dans le Sahih d'Ibn Hibban, le chapitre, ou du moins le sous-chapitre, concernant ce qui a été rapporté des caractéristiques des croyants, le hadith de Abi Hurayra رضي الله عنه, qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن حسين بن علي وعن حسين بن علي مثله. Et donc il a été aussi, le même hadith a été rapporté de Abu Huraira et de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Et Hussein, comme je vous l'ai dit, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela donc dans le musnad de l'imam Ahmed rahimahullah. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية ويليتنا تأملنا فيه وعملنا به. Cette parole du prophète صلى الله عليه وسلم, elle est très très importante, et si seulement on méditait sur cette parole et qu'on œuvrait avec. قال العلامة عبد الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله في شرحه على الأربعين النووية معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. Le très savant, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, il dit dans son explication des 40 hadiths de Nawawi et la signification de ce hadith, est que le musulman va délaisser ce qui ne le concerne pas dans sa religion et dans ses sujets mondains, parmi les paroles et les actes. Et ce qu'on comprend de ce hadith, et ça c'est très important, ce qu'on comprend de ce hadith, c'est qu'il va s'efforcer concernant ce qui le concerne. Concernant, au sujet de ce qui le concerne. وهذا مهم يا إخوة. Et cela est très important. فإن المرء إن اشتغل بما لا يعنيه سيضيع وقته على الأقل. Car l'individu, s'il s'occupe de ce qui ne le concerne pas, alors au minimum, il va perdre son temps. Au minimum, il va perdre son temps. وقد يقع في ما حرمه الله من الأقوال والأفعال. Et il se peut qu'il tombe dans ce que Allah lui a interdit parmi les paroles et les actes. وزيد على ذلك أن اشتغاله بما لا يعنيه يصده عن الاشتغال بما يعنيه. Et rajoute à cela que le fait qu'il s'occupe de ce qui ne le concerne pas va l'empêcher de faire ce qui le concerne. Va l'empêcher de faire ce qui le concerne. بعض الناس للأسف لا يفهمون هذا. Beaucoup de personnes, certaines personnes malheureusement ne comprennent pas cela. لا يفهمون أن مما يعنيهم أن يتعلموا دينهم أن يقرأوا القرآن. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que parmi les choses qui les concernent, le fait qu'ils apprennent leur religion, le fait qu'ils lisent le Coran, أن يتعلموا العربية, qu'ils apprennent la langue arabe, أن يربوا أولادهم, qu'ils éduquent leurs enfants. ترى رجلا لا يتعلم شيئا. Tu vois quelqu'un qui n'apprend rien du tout. Tu le revois 20 ans après, 20 ans après, tu le revois, ah, yaki, salam alaykoum, la baisse, comment ça va? La langue arabe alors, t'as avancé? Non. Le Coran? Non. Taïb, les durous, etc. T'as profité, t'as pris des fawaïd? Yani, pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche tout cela? Le fait que tu t'occupes de ce qui ne te concerne pas. Toute la journée, elle crie l'alcool. Toute la journée, on dit, un tel, ah, t'as entendu, il y a un tel qui a dit, t'as entendu, il y a un tel qui a fait, t'as entendu. Sa journée, toute la science qu'il a appris de sa journée, c'est un tel a dit, un tel a fait, un tel a dit, un tel a fait, un tel a dit, un tel a fait. Occupe-toi de ce qui te concerne. Ce qui te concerne, que tu apprennes ta religion, que tu apprennes la langue arabe. Et je le dis tout le temps, les frères qui sont devant moi, je ne veux pas qu'ils restent devant moi longtemps. Je ne veux pas que vous restiez devant moi longtemps. Ah ben oui. Qu'est-ce qui empêche que tu apprennes la science et qu'un jour tu viennes, tu sois à côté de nous, tu expliques les hadiths aussi. Qu'est-ce qui empêche ça? Il faut qu'on se motive. Donc, et comment on fait pour arriver à cette étape, comprendre l'arabe, avancer dans le Coran? Préserve ton temps. Occupe-toi de ce qui te concerne. Occupe-toi de ce qui te concerne. فَكَوْنُ الْإِنسَانِ يَشْتَغِلُ بِمَا لَا يَعْنِي أَوْ بِمَا يَعْنِي وَيَتْرُكُ مَا لَا يَعْنِي دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ إِسْلَامِهِ لِأَنَّهُ يَقُومُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ من الواجبات والمستحبات ويترك ما نهاه الله عنه من المحرمات والمكروهات. Et donc le fait que l'individu s'occupe de ce qui le concerne et délaisse ce qui ne le concerne pas, cela montre sa bonne pratique de l'islam. Car celui-ci va accomplir ce que Allah lui a ordonné et il va délaisser ce que Allah lui a interdit parmi donc les actes qui sont totalement interdits et les actes qui sont donc détestables. أما كون الإنسان يتدخل فيما لا يعني هذا يدل على ضعف الإسلام كما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله. Tandis que la personne, lorsqu'elle commence à rentrer dans des sujets qui ne la concernent pas, cela montre une faiblesse dans sa pratique de l'islam, comme l'a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais on va le reciter encore, un takfiri qui est venu une fois à la mosquée donc de Villeroy. Les frères m'ont annoncé que c'était un takfiri, donc je me suis dit, je vais me poser avec lui, je l'ai amené dans mon bureau. Et une fois dans le bureau, il rentre direct, il commence, ah non, moi je ne rends personne mécréant. Les musulmans, je ne rends aucun musulman mécréant. Ah non, le prophète, il a dit, celui qui dit à son frère kafir, et que ça ne l'est pas, ça revient sur lui. Ah non, jamais. J'ai dit, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu dis du gouverneur Fulani? Ah, lui c'est un mécréant, lui. J'ai dit, mais Akhi, tu m'as dit il y a deux minutes que tu ne taxais pas les musulmans de mes créances. J'ai dit, oui, effectivement. Il m'a dit, oui, effectivement, je ne taxe pas les musulmans de mes créances. Mais lui, c'est pas un musulman, lui. Ah, ok, d'accord. Il m'a dit, il n'y a aucun musulman, il n'y a aucun gouverneur musulman sur toute la surface de la terre. Il n'y a aucun pays musulman. J'ai dit, mashallah. Alors, je me suis dit, bon, on va commencer par lui expliquer l'importance des compagnons, etc. Inch'Allah, pour qu'il ait, pour ensuite aborder le tafsir des versets, etc. Alors, je lui parle de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et je lui dis, bon, tu connais Ali? Il me dit, non. Je regarde comme ça, je dis, quoi? Ali ibn Abi Talib, tu ne connais pas? Non, non, je ne connais pas. J'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, alaykum bi sunnati wa sunnati l'khulafa al-rashidin. Accrochez-vous à ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés après moi, parmi eux Ali ibn Abi Talib. Tu ne le connais pas, mais par contre, tu vas t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Est-ce que Foulen est musulman? Est-ce que Foulen est? Est-ce que Foulen? Est-ce que Foulen? Occupe-toi de ce qui te concerne, akhi, là, c'est pas possible. Ça, regarde la faiblesse dans l'islam. Il s'occupe de ce qui ne lui, de ce qui ne le concerne pas et délaisse les priorités. Et parfois, on a des frères qui tombent dans ce même cas, mais beaucoup moins grave. S'occuper, est-ce que Foulen, Sunni, Raïdou Sunni, Aou Hezbi, Aou Ish, Yahri, occupe-toi de ce qui te concerne. Occupe-toi de ce qui te concerne. C'est un, tu n'es, il ne t'est pas demandé d'aller chercher sur chaque personne. Occupe-toi de ce qui te concerne. Apprends ta religion. Toute ta journée, c'est ça. Ça. Mais non. Mais non. Les ulama, ils ne font pas ça. Cheikh Rabia qui a fait des répliques, Cheikh Oubed qui a fait des répliques, Cheikh Abdullah al-Bukhari qui a fait des répliques. Toute leur journée, c'est ça? Non, jamais. C'est lire, ils apprennent. Et donc toi, lis et apprends. Apprends ta religion. ومن المسائل المهمة التي ينبغي فهمها فهما صحيحا أن هذا الحديث لا يراد به ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et parmi les sujets qu'il faut comprendre correctement est que ce hadith qu'on vient de voir, il n'est pas voulu par là le fait que tu délaisses le fait d'ordonner au bien et d'interdire le mal. Ce n'est pas ça qui est voulu par là. وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِ لِلدُّعَاتِ أَنْ يَسْكُتُوا وَلَا يُبَيِّنُوا الْحَقَّ لِلنَّاسِ. Et on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith pour dire qu'il n'est pas convenable aux prédicateurs, ou du moins pour dire que les prédicateurs doivent se taire et ne pas expliquer la vérité. Lorsque les prédicateurs vont expliquer la vérité aux gens, si ça, et que les gens vont dire « Ah non, mais ça, ça ne vous regarde pas. Ça, ça ne vous regarde pas. Fait partie du bon comportement du musulman, le fait qu'il s'occupe de ce qui le regarde. » Yahri, comprenez les hadiths d'une façon correcte, s'il vous plaît. Il faut bien comprendre les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit « وَهُنَا يَرِدُ إِشْكَلْ » Et ici, il y a un problème. « هَلْ تَرْكُ الْعَبْدِ مَلَا يَعْنِيهِ يَعْنِي تَرْكَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ » Est-ce que le fait que la personne délaisse ce qui ne la concerne pas, est-ce qu'il est voulu par là que cette personne délaisse le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal? El Jawab, le cheikh, il répond « La » لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Et donc le cheikh il répond en disant rahimahullah, non, ce n'est pas ce qui est voulu par là, car le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal fait partie de ce qui concerne la personne. Cela te concerne, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit dans le sens rapproché de la traduction du verset, et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle, qui ordonne le bien et qui interdise le mal. Yad'una ila al-khair, qui, excusez-moi, qui appelle les gens au bien. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Fin de citation. فيجب أن نفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن مأمورون بهما. Et donc il est important de comprendre que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, nous sommes, cela nous a été ordonné. Cela est un ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun en fonction de ses capacités. Mais cela est un ordre. Tu ne peux pas te taire. Tu vois les gens dans des péchés, dans du shirk, dans des bid'ahs. Tu n'as pas le droit de te taire. Et cela te concerne. Une personne que tu vas conseiller, Ya urti mil hijab. Elle va te dire, Min husni islam il mar itarkuhu mela ya'ni. Fait partie de la bonne pratique musulmane de l'individu, le fait qu'il délaisse ceux qui ne le regardent pas. Non. Ça me regarde. Il faut que je te conseille, urti. Mets ton hijab. Ça me regarde. Et donc il faut bien comprendre les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, et ça aussi c'est un verset que les gens ils ont du mal à comprendre. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Oh vous qui avez cru, oh vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Oh vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Ceux qui se sont égarés, cela ne vous fait pas de tort. Leur égarement ne vous fait pas de tort, ceux qui se sont égarés. Si vous, vous suivez la guidée, puis c'est vers Allah que vous retournerez, et il vous informera de ce que vous faisiez. Et donc, oh, vous qui avez cru, alaykum anfusakum, vous êtes responsable de vous-même. Est-ce que ça veut dire que tu dois délaisser les autres? Vous êtes responsable de vous-même, et... Le fait qu'ils se soient égarés ne vous fait pas de tort. Cela ne vous fait pas de tort. Le Cheikh Saadi, rahimahullah, il dit dans l'explication de ce verset, Aï, ijtahidu, fi islahiha, wa kamaliha, wa ilzamiha, suluk al-sirat al-mustaqim. Efforcez-vous dans le fait de corriger et d'améliorer vos propres personnes et de leur faire prendre la voie de rectitude. فَإِنَّكُمْ إِذَا صَلَحْتُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Car si vous êtes correct, alors ne vous fera pas de tort le fait que certains se soient égarés de la voie de rectitude. وَلَمْ يَهْتَدِي إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ, et qu'il n'ait pas suivi la religion de rectitude. Wa innama yadurru nafsahu. Cependant, cette personne qui s'est égarée, elle se fait du tort à elle-même. Le Cheikh Saadi, il continue en disant: Wa la yadullu hadha ala anna al-amra bil ma'ruf wa an-nahya 'anil munkar la yadurru al-'abda tarkuhuma wa ihmaluhuma fa innahu la yatimmu hudah illa bil bayani. Il dit, Cheikh Saadi, après cela, il dit, et cela ne veut pas dire que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il ne fait pas, donc cela ne fait pas du tort, cela ne fait pas du tort à l'individu, au serviteur, de délaisser ces deux actes. Et de les négliger. Ces deux actes, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Ce verset ne veut pas dire que l'individu doit délaisser l'ordre du bien et l'interdiction du mal. Il continue en disant, certes, cette personne-là, sa guidée ne sera pas parfaite, ne sera pas complète sans le fait de faire ce qui lui est obligatoire. Et parmi cela, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le hadith numéro 4. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وأنا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة ثم أذن له قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. Et m'a rapporté selon Malik. Et m'a rapporté selon Malik qu'il lui fut rapporté de Aïcha, l'épouse du prophète, radiallahu anha wa sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit: un homme a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de rentrer. Aïcha, elle dit, et j'étais avec lui à la maison. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: quel mauvais fils de la tribu, fils du peuple. Et donc ici le prophète a donc critiqué cet homme. Puis le prophète a donné la permission à l'homme de rentrer. Aïcha dit: et peu de temps est passé et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rigoler avec cet homme. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rigoler avec cet homme. Puis, lorsque l'homme est sorti, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit concernant cet homme ce que tu as dit. Puis, peu de temps est passé et tu as rigolé avec lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, parmi les plus mauvaises personnes, il y a ceux que les gens vont délaisser par crainte de leur mal. Ceux que les gens vont délaisser, donc ils ne vont pas s'opposer à eux par crainte de leur mal. Hadha al-hadith min balaghat al-imam Malik. Ce hadith, il fait partie de ce qu'on appelle balaghat. L'imam Malik, il dit, il m'a été rapporté que. Sans citer qui est la source entre lui et Aïcha radhiyallahu anha. Cependant, ce hadith a été cité avec la chaîne de transmission complète jusqu'à Aïcha dans d'autres livres que le Muwatta, et les savants sont unanimes quant au caractère authentique de ce hadith. Il a été rapporté dans As-Sahihayn, les deux recueils de Al-Bukhari et Muslim. وفي هذا الحديث جواز المدارة مع من يخشى منه بسبب شره. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de ménager quelqu'un quand on a peur, quand on craint de lui à cause de son mal. Une mauvaise personne que tu crains qu'elle fasse du tort, etc. Il est permis de ménager cette personne. Une personne où tu vas peut-être montrer donc une forme de bon comportement, où tu ne vas pas forcément montrer une animosité, parce que cela va entraîner un plus grand mal. Il y a certaines narrations où du moins les savants ont abordé ce sujet pour savoir qui était cette personne. Certains ont dit que c'était donc le leader d'une tribu et qu'il était très mauvais. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté comme cela avec lui pour essayer de l'appeler à l'islam, et aussi parce qu'il pouvait faire du tort, etc. Il y a eu beaucoup d'explications des savants par rapport à cela. Et donc, cela nous montre qu'il est permis donc de ménager quelqu'un lorsque on craint qu'il fasse un tort. On craint, lorsqu'on craint qu'il fasse un mal. وأيضا هذا الحديث فيه الرد على من منع الكلام في الناس مطلقا وجعل التحذير من المنحرفين داخلا في الغيبة المحرمة. Il y a dans ce hadith aussi une réplique à ceux qui vont interdire le fait de critiquer les gens, qui vont interdire totalement le fait de critiquer les gens et qui vont faire et qui vont juger les mises en garde contre les égarés comme étant de la médisance interdite. Et donc, qu'est-ce que la médisance ? أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة. Et donc, l'imam muslim a cité dans son recueil, selon Abi Huraira, رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: savez-vous qu'est-ce que la médisance? قالوا بلى يا رسول الله قال الله ورسوله أعلم. Les compagnons les ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète a répondu en disant: ذكرك أخاك بما يكره. Le fait que tu cites ton frère avec ce qu'il déteste. Le fait que tu cites ton frère, que tu parles de ton frère en citant ce qu'il déteste. فقيل أفرأيت إن كان فيه أو إن كان في أخي ما أقول. Vois-tu si ce que je dis de mon frère est correct? Si ce que je dis de lui c'est correct, c'est, je n'ai pas menti sur lui. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وإن لم يكن فقد بهدته. Si ce que tu dis de lui est vrai, alors certes tu as médit sur lui. C'est de la médisance. Mais si ce que tu dis est faux, alors tu l'as calomnié. Si ce que tu dis est faux, alors tu l'as calomnié. Hadith dans le recueil de l'imam muslim. Fal riba al muharrama dhikru rajuli akhahu al muslim bima yakra duna udhrin shar'i. Et donc la médisance interdite, c'est le fait que l'individu va parler de son frère en citant ce qu'il déteste sans excuse légiférée. Sans excuse légiférée. Wa qawluna duna udhrin shar'i isharatun ila anna al-kalam fi al-akhi al-muslim qad yakunu ja'izan fi ba'd al-halat bal wajiban fi ukhra. Et le fait qu'on dit donc, sans excuse légiférée, dans l'explication, sans excuse légiférée, c'est pour montrer que le fait de parler de son frère musulman peut parfois être autorisé dans certaines situations, voire obligatoire. وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأُ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. Et le hadith que l'imam Malik a cité dans le Muwatta est une preuve qui montre ce que nous disons. C'est-à-dire que parfois ça va être permis. Les savants ils ont dit que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé donc de cet homme en mal pour que les autres comprennent que ce n'est pas parce qu'il va bien se comporter avec lui, etc., que ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Méfiez-vous, faites attention. Et donc ici قال ابن حجر في شرحي في شرح هذا الحديث من صحيح البخاري. Ibn Hajar dit dans l'explication de ce hadith dans صحيح البخاري, il dit: كل من اطلع من حال شخص وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. Il dit Nuhajar rahimahullah: toute personne qui est au courant de la situation d'une personne, d'un individu, et qu'on craint qu'une autre personne soit trompée par le bel aspect apparent de cet individu et qu'il tombe par la suite dans quelque chose de blâmable, alors il est impératif de lui informer, de le tenir au courant de cela. Il est impératif de l'informer de ce qui est blâmable, de l'informer de cela, en ayant l'intention d'être honnête envers lui. Et donc tu vas mettre cette personne au courant des défauts de l'autre, par honnêteté. Ce n'est pas pour, écoute Achri, lui il a ça, moi je suis mieux que lui. Non, par honnêteté pour cette personne, pour qu'il ne soit pas trompé, par, donc, cet individu qui a un mal. Qala an-Nawawi rahimahullah fi sharh sahih Muslim. An-Nawawi dit dans l'explication de Sahih Muslim. La parole de Nawawi, de l'imam Abdelhafiz an-Nawawi. Non, pas celle-là, l'autre. On va y arriver, Inch'Allah. Il dit donc, wa fi hadha al-hadith, mudaratu man yuttaqa fuhshuhu wa jawazu ghibati al-fasiq al-mu'lim fisqahu. وَمَنْ يَحْتَاجُ النَّاسِ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْهُ. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis donc de ménager un individu lorsqu'on craint son mal. Et qu'il est permis donc de parler al-riba, donc la médisance. Il est permis de critiquer, de parler d'une personne qui est pervers et qui montre sa perversion publiquement. Une personne donc qui fait les grands péchés et qui le fait publiquement. Et qu'il est permis aussi de parler de celui dont les gens ont besoin qu'on mette en garde contre lui. Dont les gens ont besoin qu'on mette en garde contre lui. Ensuite, Al-Hafiz al-Nawawi, un peu plus loin, il expose plusieurs cas durant lesquels il est permis de parler d'un individu. Plusieurs cas. C'est un peu long, je l'avais écrit, j'avais prévu de vous le lire entièrement, mais on va prendre le résumé en citant les cas. On va prendre le résumé en citant des cas. Et après ça, Inch'Allah, on fait une petite pause. Et après ça, Inch'Allah, on fait une petite pause. Donc, alors, il nous dit le Hafiz al-Nawawi. Wahuma haramen. Ils sont tous les deux interdits. Ce qui est voulu par là, c'est la médisance et le fait de calomnier un individu. Les deux sont interdits. Lakin tubahul riba li gharadin shara'i wa dhalika fi sittati asbab. Cependant, la médisance est autorisée pour une cause légiférée, et cela dans six causes. Et cela dans six causes. Ahadouha. Et donc, la première cause, et tadalloum, le fait de se plaindre d'une injustice. Fayajouzou lil madloum an yatadallama min as-sultan wal qadi wa ghayrihima. مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَىٰ إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ. Et donc il dit, il est donc permis à celui qui a subi une injustice de se plaindre auprès des autorités ou du juge ou toute autre personne qui a donc la capacité de lui rendre ses droits contre celui qui lui a fait injustice. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, الاستغاثة على تغيير منكر ورد العاصي إلى الصواب. Et donc le deuxième cas, donc le fait de demander de l'aide pour changer, pour, excusez-moi, pour retirer un mal. Pour retirer un mal et rendre le pécheur vers ce qui est correct. C'est-à-dire une personne qui fait un péché. Et toi, tu sais qu'à toi, toute seule, tu ne vas pas réussir à faire que cette personne arrête ce péché. Tu vas donc en parler à quelqu'un d'autre, et vous, à tous les deux, vous allez donc tout faire pour que cette personne arrête ce péché. À ce moment-là, c'est permis. Al-thalith, troisièmement, al-istifta bi-an-yakoula lil-mufti zolemeni foulen. Troisièmement, al-istiftal, donc la demande d'une fatwa. Lorsque tu vas dire au mufti, un tel m'a fait injustice, et tu vas citer la personne. Al-Hafiz al-Nawawi, là, c'était plusieurs exemples, parce que je vous ai dit, je ne lis pas tout. Al-Hafiz al-Nawawi, il cite plusieurs exemples. La personne qui dit, mon mari m'a fait ça, mon père m'a fait ça, ma femme m'a fait ça, est-ce que c'est permis ou autre. Al-Hafiz al-Nawawi, il explique donc que tout ça c'est permis, même s'il est mieux, même si il est mieux de délaisser tout, même s'il est mieux de ne pas citer et de dire donc si une femme mariée fait ça à son mari, est-ce que cela est permis? C'est mieux de dire ça au mufti que de lui dire ma femme m'a fait ça, est-ce que c'est permis? Mais dans tous les cas, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a le hadith de Hind. Hind qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant donc de Abu Sufyan. Et donc, elle l'a cité. Elle l'a cité nommément devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant l'argent, il ne dépense pas beaucoup. Est-ce que je peux prendre de son argent donc lorsqu'il n'est pas là, sans qu'il n'est pas au courant, pour moi, pour mes besoins et pour les enfants? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à Hind qu'elle pouvait prendre ce qu'il y avait besoin pour elle et ses enfants. Et donc là, elle a cité nommément. Le prophète il ne lui a pas dit « Ah, mais pourquoi tu cites ton mari? Oh, t'aurais pu me... » Non. Et donc là, pour la fatwa, les savants ils disent que c'est permis. Alors, quatrième, il est un peu long. At-tahdhiru aw tahdhiru al-muslimin min ash-shar. Le fait de mettre en garde les musulmans contre un mal. Wa min wujuhin minha jarhu al-majruhin min ar-ruwat. Et parmi les exemples de cela, le fait de critiquer ceux qui ont été critiqués parmi les narrateurs de hadith. Washuhud, ainsi que les témoins, quelqu'un qui vient témoigner contre un autre au tribunal. Walmusannifin, ainsi que les auteurs des livres. Wadhalika, il dit Nawawi. Wadhalika, jaizun bil ijma. Bel wajibun saunan lishari'a. Et cela est autorisé par l'unanimité. Avec unanimité des savants. Il dit cela est autorisé. Même plus encore, cela est obligatoire pour préserver la législation. Cela est obligatoire pour préserver la législation. Et donc lorsque vous allez voir vos frères prédicateurs qui parfois vont vous mettre en garde contre une personne, contre un individu, c'est pas nouveau. C'est pas nous qui avons inventé cela. Mais c'est une voie que nos pieux prédécesseurs ont suivi. C'est un sujet sur lequel il y a unanimité, les frères. Ici, quelqu'un vient de parler de ce sujet, tu lui dis, regarde, viens, on retourne à Sahih Muslim, l'explication de Sahih Muslim, tiens, regarde, c'est marqué Ijma ici, l'unanimité des savants. Comment on fait? Comment on fait? Est-ce que vous imaginez, les frères, aujourd'hui, on prend le livre El Muwatta et on ne peut pas savoir ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique, parce qu'on ne sait pas qui sont les rapporteurs qui sont fiables ou pas. Cela est obligatoire pour préserver la religion. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. On va passer au cinquième, Inch'Allah. Le cinquième, Khamisan, En yakuna mujahiran bifisqihi aw bid'atihi. Le fait que la personne fasse son péché et montre publiquement sa perversion. Une personne qui montre publiquement sa perversion, alors là, il est permis d'aborder ce sujet, puisqu'elle le fait publiquement, elle ne cache pas cela, elle ne cache pas son péché. Sixièmement, le dernier, est ta'rif. Le fait de citer une personne pour qu'elle soit reconnue. Il dit le Hafiz al-Nawawi, idha kana ma'rufan bi laqab. Cette personne, elle est connue par un laqab. Un attribut qui lui a, une parole qui lui est, une affiliation, ou du moins même pas une affiliation, une appellation. La personne, elle est connue par une appellation particulière. Il a cité plusieurs exemples comme El A'raj, le boiteux. Donc tu me parles d'une personne en disant El A'raj, et ça c'est connu, le boiteux. Ou alors El Qasir, celui qui est petit. El A'ma, celui qui est aveugle. El Aqta, le manchot. Et donc, il dit cela c'est permis. Même si il est mieux d'éviter cela. Mais si tu veux que la personne elle soit connue, tu parles d'une personne, Mohamed ibn Fulen, de qui tu parles? Mais oui, Muhammad ibn Fulan ibn Fulan. Wallah, tu parles de qui? Le manchot. Ah, d'accord, ok, c'est bon. C'est bon. Et donc là, c'est permis. Mais par intention que la personne soit reconnue. Tu ne dis pas cela pour rabaisser la personne. Si tu dis cela pour rabaisser la personne, c'est autre chose. Comme par exemple, si aujourd'hui, tu vas à Médine, tu vas voir Cheikh Arafat, tu dis oui, Abdelkarim, il a dit une bêtise pendant ses cours. Il va te dire Abdelkarim, Shkoun, c'est qui Abdelkarim? Abdelkarim, le père de, le fils de un tel, c'est qui le Abdelkarim, le fils de un tel, le Martiniquais, c'est qui? Mais oui, Abdelkarim est Tawil, le grand. Ah, c'est bon, le grand, c'est bon. Parce que là-bas, je suis connu comme étant Abdelkarim et Tawil. Et donc là, il n'y a pas de mal. Par contre, si tu dis pour te moquer de moi, ce n'est pas la même chose. Et donc, voilà par rapport à cela. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.